Ce son est fait pour être détesté, mec. Tu vas entendre c'est pas du petit reggae, c'est pas du petit métal. Vas-y, embrasse c'est ta ta mort, c'est merde. Best à tout, tu es ouais, ouais, son est gangsta. De quoi devenir con, ce que t'entends là? Je vais cambrioler ta maison, mon gars. Et ça sans raison, t'inquiète pas pour moi. Écoute le son, la caissière tu claques. J'espère ton chier, t'es dans claque. J't'ai gaulé sans peine, t'es tranglé, même avec de la laine. C'est plus lourd, plus chiant et plus mou comme c'est Golène royaliste. Ce sont de fait, mais c'est royal. J'espère que même mes amis vont le prendre mal et prendre soin de ta gueule si c'est insupportable. Ça, c'est l'effet de la cam, plus dur qu'un viol sur la table. C'est la misère, le chômage, emploi, relation durable. Ça résonne comme de la viol, j'espère que t'as la flemme, la fièvre et que t'es malade. Je plus, j'en suis fier, j'aime péter des câbles. Tout va s'éteindre de l'or, tout va s'éteindre depuis la fourrière, je couperai les câbles. Dis ça aux yeux de vrai, je rejette toute réalité en bon associable. J'suis encore pissé comme câble, je trip, je batte pendant que ça monte des culs, je sens vite des petits coups de son comme ça, mais tu m'attrives pendant que c'est fait. Tu pars tous, regarde mon vomi en face, embrasse-le, tu peux plus éviter, y'en a de marre. Tous, c'est parti, dénie me pardonner. Si mon adolescence sera en plus, une bouche ouverte, qu'à une plaie. Mais tire ton goût, mais du pare-balles, je couperai les barres, tous ceux qui veulent s'accoupler. J'espère qu'à personne cela ne plaît, je veux juste que ma vie est la même fréquence, si je suis honnête qu'en bosse le sax. Et pour ça j'irai jusqu'à me brosser le sexe. Sa bosse est scellée et j'emmerde les puristes de tout comme son mec et son ex. Je voulais être gentil mais surtout pas hypocrite dans ce texte. Bah ouais ce son est gangsta. De quoi devenir con si t'entends là? Je vais cambrioler ta maison, mon gars. Et ça sans raison t'inquiète pas pour moi. Ben ouais ce son est gangsta. De quoi devenir con ce que t'entends là? Je vais venir cramer ta maison, mon gars. Et ça sans raison t'inquiète pas pour moi. Mon matos c'est fabriqué en Chine et tu veux que je sois crédible quand même. C'est comme me demander de respecter celui qui se fait faire des bien par celle que j'aime. Si ce bouffon est mon ami, rien ne m'empêche de clasher, gâcher ce gars-là est en soirée, ce soit monstrueux. Dès que la mesure comme ça m'assure, tu mesures pas la connerie, tu vas pas glorer le patron. T'es qu'un gueux dans ta gueule, j'ai la gueule par ma patte que non, ce son est plus inutile que ton textile, ma queue ou ton patron. J'ai devenu tellement haineux que je suis musclé du front à force de froncer. Pisser les yeux quand je vois ce connard de Dieu pisser sur le visage, je t'inquiète les impôts, mec ton. Français rime pauvre, c'est pas pour prendre mignon, juste une partie de baisse entre Nordertal et Cro-Magnon. C'est pour couvrir le néant qui s'étale en à travers large et en long. Ah, qui couvre l'horizon comme éclair, la lumière éclaire d'un néon. Mouve ton vite éclair, ah, ferme ton œil, bécale, ta fermeture éclaire. C'est le prix t'éclaire, si je m'éclate, ce sont éclatants. Ça fait des éclats tant que ça crame tes parents. Écoute-moi comme je suis pas marrant, mais j'abuse tellement de l'existence. On me le ramène, non, la zig c'est mon moteur. Il est cœur en ramant, j'espère que c'est chiant. Peut-être t'attends le refrain tellement que le couplet il est grand. Et que oui, c'est celui de slab. Non, ce n'est pas slab, mais sale comme mon ego. Faut que la salle ça, ma vie est une valse violée tabassée par un tango. Et j'ai assassiné mon ange gardien, désensiné pour ma décider. C'est étanche, peut-être étrange, mais surtout pas rien. Ok, de 6-9 à 47 comme les quais, ce son n'est pas fait pour rigoler. Bah ouais, ce son est gangsta. De quoi devenir con, ce que t'entends là? Je vais t'envoyer ta maison, mon gars. Et ça sans raison, t'inquiète pas pour moi. Bah ouais, ce son est gangsta. De quoi devenir con, ce que t'entends là? Je vais venir cramer ta maison, mon gars. Et ça sans raison, t'inquiète pas pour moi. Ça dans ta tronche, c'est du rap puant et moche. Les têtes hoches, pas si c'est celle des bouffons défoncés aux ponches. Laisse-moi mon art de débile, tranquille, mérite pas de meuf, comme le dit ta copine. Va te faire baiser par tous les gros cons, faisons une compile. Et viens pas te plaindre si tu débines. Et d'abord, c'est parce que je t'aime que je te mate. Je te connais pas, qu'est-ce que tu fous dans ma tête? Ma vie, c'est un squat. Mon rap parle trop de toi, et les gens s'en foutent, tous s'inquiètent. C'est la quête pour te la mettre. Fuck tous les boobas, t'inquiète pas, t'es au boulot. Oh, pour les gens, viens te chercher au boulot. Cherche pas, je vais te dada. Et bientôt mon gros tu fais dodo. Ben non, l'amant de ta vie ne t'aime pas. Ben non, Père Noël n'existe pas. Ben non, ce son ne se danse pas. Oh, comme Alpha, que des rimes avec pas. J'espère que tu m'aimes pas. Tout le petit bourgeois, sale petit vachin friqué, buveur de bouche de... J'espère que là c'est ton sim sous bien serré. J'arrive vers ta copine, cette fois pour la serrer. Fais ta gilet là, accélère et m'insérer. Je viens vers toi, salope, pour te la serrer. Laisse-moi cacher, j'arrête ta soirée. Prends ça dans ta gueule, que tu sois pas mais sans métalleux. La musique c'est mon domaine et j'en fais ce que je veux. Je suis calme, je suis calme, je suis calme. Ce son est gangsta. Deux, venir con ce que t'entends là. Trois, cambrioler ta maison, mon gars. Et ça sans raison, t'inquiète pas pour moi. Bah ouais, ce son est gangsta. De quoi devenir con ce que t'entends là? Je vais venir cramer ta maison, mon gars. Et ça sans raison, t'inquiète pas pour moi. dos. J'espère que tu flippes, hein. Vas-y.